pense à ce soir, j'ai la douche, j'ai peur. Je pense à l'homme que je devrais être face à ce frac. Prends la tête, j'en ai rêvé de ce moment-là. Ça fait des années, j'attendais ça. Ce soir, y'a pas le droit à l'erreur. On a une chance, faut être à l'heure. Et chaque fois que je ressens la peine, je pars comme attiré par elle. Chaque fois que je ressens la peine, je vole attiré par le ciel. Le bonheur, j'entends les cris qui me réchauffent le cœur. Je vois les visages qui sourirent maintenant qu'on y est. Tout reste à venir, j'en ai rêvé de ce moment-là. Ça faisait des années, j'attendais ça. Manu claque le premier accord, on doit t'assurer, vous êtes d'accord. Et chaque fois que je ressens l'appel, je pars comme attiré par